et créer à la Montagne ce soir, ça sera vraiment créé, et une création en début de soirée qui commence un peu plus tôt que d'habitude, pour ces 3 heures, en fait 3h30 cette fois-ci, d'actualité culturelle de la région, alors qui sera consacrée notamment après 21h, 21h15, 20, 20, 22, au Théâtre du Peuple, notamment dont c'est la fin de saison. Mais, en préambule, viens, je vous offre une création, une vraie création. Je reçois Marie-Noëlle Poirot, une actrice qui nous vient de la région de Lure, et Serge Pascual, un acteur qui nous vient de Saint-Maurice. Et, en même temps, ils ont créé une forme particulière dont ça va être une première grâce à la technique, à Marcus, qui heureusement est là, voilà, parce que ça va être une expérience un peu pointue, et un peu pointue où on va voir ce que ça va être. Eh bien, qu'est-ce que ça va être? Je te pose la question, Serge, de quoi donc allons-nous régaler nos auditeurs? Voilà. Bonsoir. Ah oui, bonsoir à tous les auditeurs, merci de nous avoir invités, Vincent, et on remercie aussi la technique, parce que c'est une œuvre qui va demander quelques petits appuis son. Voilà, donc c'est une aventure qui a commencé tout d'abord par la proposition de toi, Vincent. C'était de jouer sur ta dernière création, le rôle de Rimbaud. Je devais apprendre une partie de poème d'Arthur Rimbaud, Le bateau ivre. Bah, Steck m'avait demandé quand même pas mal d'efforts, car c'était, je l'ai trouvé vraiment difficile et inapprenable au début. Donc je me suis lancé dans des recherches d'explications de texte. Puis tout à coup, ma foi, à ma plus grande surprise, c'était le coup de foudre. Si je peux m'exprimer ainsi à ce poème. Sur ce poème, pour la première fois, j'ai découvert un bateau qui nous emmenait à son bord pour partager des couleurs, des univers, des sentiments jusqu'alors inexplorés sous cette forme pour ma part. Suite à ça, j'ai eu un grand vide, et il fallait que l'aventure continue et se partage, surtout se partage. Oui, alors donc, une écriture est née? Tout à fait. Donc, une fois que j'ai intégré dans la pièce ce texte, voilà, je me suis dit, c'était vraiment magnifique, quoi. J'ai vraiment découvert cette partie de poésie française, et je sais pas... Donc j'ai dit, voilà, il faut que je continue cette aventure. Et donc j'ai eu l'idée, à l'occasion des 1 an de mariage d'une collègue commune avec Marie-Noëlle, on s'est dit, on va monter quelque chose pour fêter leur 1 an. Un truc un peu fou comme ça, ça s'est passé dans la voiture, coup de fil, Marie-Noëlle, voilà un peu l'idée. Et puis du coup, elle m'a dit, ok, je te suis. Voilà, donc j'ai improvisé quelques morceaux de texte que j'ai écrits et qui s'appellent, donc deux parties, s'appellent « Pêcheur de lune » et « Bateau ivre ». Donc ces deux parties vont s'intégrer au poème de Rimbaud, en fait. L'idée, c'est de... Eh bien, en fait, c'est le bateau ivre qui va rencontrer un pêcheur de lune. Ouais. Et puis il va l'inviter, et puis après, vous découvrirez la suite. Et il y a des compléments que tu as, enfin des suppléments que tu as rajoutés aussi à ce texte. Ces mois-ci ont été assez extraordinaires, je veux le dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu l'occasion aussi sur Facebook de lire les 4 textes du Conservatoire international, magnifiquement dit par des acteurs connus. Et puis du coup, pareil, c'était le déclic, je dis voilà. Eh bien, du coup, le projet a pris forme et aujourd'hui, il existe sous cette forme de mère nature, pêcheur de lune et bateau ivre. En fait, ces textes parlent de la fin de l'humanité. C'est quelque chose de grave, mais ils sont dits avec tellement d'élégance et c'est tellement chouette. Et puis, en réponse à mère nature, il y a ces textes, une partie de texte aussi que j'ai écrit, qui en réponse à cette nature lui dit, attends, tous les hommes ne sont pas là que pour se gaver de détruire, mais il y a aussi des gens qui sont là pour exprimer de la beauté, de la grâce, exprimer de la passion. Donc voilà, nous allons apporter très très humblement notre petite pierre à l'édifice, puisque nous sommes très mal partis, et donc voilà. C'est ce qu'on va vous présenter ce soir. C'est un genre de dialogue entre Mère Nature, Rimbaud et nous être illuminés mais conscients de ce qui se passe. Bien, voilà. Bien. On va donc écouter Pêcheur de lune et Bateau ivre. Voilà, et en primeur, et ben, on va commencer par Mère Nature qui s'exprime. Je suis votre maison. Je suis confortable. J'abrite votre famille. Considérez-moi pour ce que je suis. Je suis votre nid douillet, votre refuge. Je suis le sol sur lequel vous marchez, la blase qui vous permet de rester debout, les murs qui vous abritent, le toit qui vous protège. Je suis votre maison. Et si vous ne prenez pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin de vous. Certains m'appellent nature. D'autres, mère nature. J'existe depuis plus de 4 milliards et demi d'années. Soit 22 500 fois plus longtemps que vous. Je n'ai pas vraiment besoin des hommes, mais les hommes ont besoin de moi. Oui, votre futur dépend de moi. Lorsque je prospère, vous prospérez. Lorsque je faiblis, vous faiblissez. Ou pire... Je suis là depuis l'éternité. J'ai nourri des espèces plus grandes que vous et j'en ai affamé des plus grandes que vous. Mes océans, ma terre, mes rivières, mes forêts, tous peuvent vous emporter ou vous laisser en paix. Les choix que vous faites chaque jour, que vous vous préoccupez de moi ou pas, ne m'importent pas vraiment. Vos actions détermineront votre sort, pas le mien. Je suis la nature. Je continuerai d'exister. Je suis prête à évoluer. Et vous ? Je suis la forêt tropicale. Je les ai regardés grandir ici. Ils sont partis. Mais ils reviennent toujours. Oui. Ils reviennent toujours. Pour mes arbres. Pour leur bois. Mes plantes. Leur remède. Pour ma beauté. Leur évasion. J'ai toujours été là pour eux. Et j'étais plus que généreuse. Parfois, je leur ai tout donné. Perdu maintenant. Et à jamais. Mais les humains sont tellement intelligents. Tellement intelligents. De si gros cerveaux et des pouces préhenseurs. Ils savent fabriquer des choses. Des choses formidables. Désormais, pourquoi aurait-il encore besoin d'une vieille forêt comme moi ? La jungle ? Les arbres ? Eh bien, ils respirent de l'air. Et je produis de l'air. Ont-ils pensé à ça, les humains ? Tellement intelligents. Ils trouveront une solution, les humains. Produire de l'air ? Ce sera drôle à voir. Je suis l'océan. Je suis l'eau. Je recouvre la majeure partie de cette planète. Je l'ai façonnée. Chaque cours d'eau, chaque nuage et chaque goutte de pluie. Tous reviennent à moi. D'une manière ou d'une autre, chaque être vivant a besoin de moi. Je suis la source. Je suis ce dont ils sont tous sortis. Les humains, ils ne sont pas différents. Je ne leur dois rien. Je donne. Ils prennent. Mais je peux toujours reprendre. Cela a toujours été comme cela. Ce n'est pas leur planète de toute façon. Cela ne l'a jamais été. Cela ne le saura jamais. Mais les humains, ils prennent plus qu'ils ne partagent. Ils m'empoisonnent et ensuite ils attendent que je les nourrisse. Eh bien ça ne marchera pas comme ça. Si les humains veulent exister au sein de la nature, avec moi et à partir de moi, je leur suggère d'écouter attentivement. Je ne le répéterai pas. Si la nature n'est pas préservée, les humains ne survivront pas. C'est aussi simple que ça. Moi, je serai toujours là, avec ou sans les humains. Je suis l'océan. J'ai déjà entièrement recouvert cette planète une fois. Et je peux toujours le refaire. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah. Quel état des lieux ? Quelle situation ? Quelle situation ? Alors, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai lu des textes qui parlaient de l'humanité. Et je vous ai écrit ces quelques lignes. Nous, êtres profonds, hauts et lumineux. Je cite. Je crois en l'humanité ? Non. Comment non ? Non. Pas en la croyance d'une humanité nouvelle, mais dans la perception, dans le ressenti, dans l'écoute des sons qui me reviennent. Échos rebondissant sur les murs de nos sociétés organisées, contre les pensées intégrées, contre les bonnes attitudes définies, contre les morales établies, contre les nourritures préconisées. Oui, à cet écho qui me revient tel un boomerang salvateur, baigné d'un soleil chaud et encore bienveillant. Clin d'œil à la nature. Humide des embruns autorisés des océans, en attente d'actes ultimes de nous, humains à la dérive, inconscients de nos impacts irréversibles sur nos legs ancestraux. Oui à tous ceux qui se lèvent, oui à toutes ces initiatives, si humbles soient-elles, mais qui fleurissent aux quatre coins de nos cœurs et de notre planète. Oui à cette force qui change le désespoir en énergie dédiée à la terre, aux arbres, aux rivières, aux océans. Force obligatoire pour ne pas sombrer dans la folie face à cet apocalypse, depuis longtemps décrit, annoncé par nos aïeux et autres sages, qui, malheureusement peu à peu, ont été tournés en dérision par ces castes suffisantes, par ces penseurs prétentieux ou par des logarithmes infernaux, nous précipitant vers notre fin, déjà acceptée par une masse résignée. Je ne sais pas pourquoi nous sommes là. Je ne sais pas comment nous sommes faits précisément. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous existons pour être profond, haut, lumineux, mais aussi pour vivre entouré de joie et de légèreté, bienveillante, de passions et de partage. Crions à qui veut l'entendre que nous avons tous quelque part en nous un projet pour nous-mêmes et pour le monde quel qu'il soit. T'en rappelles-tu ? Il y a maintenant quelque temps de cela, quelqu'un a chanté ce court morceau qui s'intitule « Intro ». Rappelez-vous. C'est relativement dur de relativiser, mais qui ne le fait pas ne peut que diviser. Il faut parfois se mettre dans la peau d'un autre. Je tiens à m'excuser si j'ai commis la faute. Ça faisait longtemps qu'on la connaissait. Elle était là, tout le temps, mais jamais on ne la voyait. Elle nous suivait de la cité jusqu'aux vacances, et on faisait comme si elle n'avait pas d'importance. Maintenant je sais que beaucoup nous jalousaient, parce que tout comme nous, ils la méritaient. Ils prient pour elle, se battent pour elle, c'est vital. C'est pas une pin-up, une playmate, c'est juste l'eau potable. Es-tu? Je suis le pêcheur de lune. Ah? Et toi? Moi. Je suis né. Je suis né d'un poème de Rimbaud. Ah? Ouais. Et comment t'appelles-tu ? Je ne m'appelle pas. Je suis un bateau. Un bateau ? Oui, pêcheur de lune. Je suis le bateau ivre. Et toi, pêcheur de lune ? Moi ? Rien. Comment rien ? Oui ? Moi, je pêche. Ah! Je pêche au clair de lune et n'attrape rien, puisque je ne suis rien qu'un pêcheur de lune. Oh là! Oui, un pêcheur de lune. Alors je pêche. Je la vois. Elle me parle. Et je plonge mon fil délicat dans son reflet. Alors je pêche. Mais c'est très beau ce que tu me dis, pêcheur de lune. Moi, bateau ivre, je vais t'emmener. Où m'emmènes-tu? Eh bien, viens. Nous allons découvrir le monde, pêcheur de lune. Monte. Et eux, c'est qui? Ah, tu les perçois? Non, je les vois, sans les voir, mais je les entends. Ah, eux, ce sont les musiciens du Cirque Plume. Mais le Cirque Plume, c'est fini? Et c'est pour ça que tu ne les vois pas. Et tu les perçois. Enfin, tu les vois, mais tu les entends. Enfin, bref. Ils vont nous accompagner. Oh, c'est beau. Alors, d'accord. Je viens. Merci, pêcheur de lune. Arthur Rimbaud. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidée par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coteaux anglais. Quand, avec mes haleurs, on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marais, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marais n'ont pas subi tohu bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleur éternel de victimes. 10 nuits, sans regretter l'œil niais des oiseaux. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres. L'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleues et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactes et sang, dévorant les azurs verts, où, flottaison blême et ravi, un noyer pensif, parfois descend. Où, teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais, les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets, pareil à des acteurs de drame très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé, la nuit verte, aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes, et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. Est-ce que tu entends le silence? Le silence de la mer, avec cet écho sur les flots. Entends-tu? Qui fait écho aussi aux musiciens du cirque plume? Oh, que c'est beau! Regarde! Regarde au loin! Regarde bien! Regarde l'azur! Encre! Bleu! Blanc de lune! Profite, petit pêcheur de lune! Profite, sens, ressens. Ressens le vent. Ressens la puissance qui t'entoure, petit pêcheur de lune. Je te propose maintenant, si tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Oui, je sens. Tu m'intrigues, bateau ivre. Dis-moi plus. Parle encore, parle-moi. Partout où mon regard se pose, Je suis intrigué, bateau ivre. Tout autour, ça donne l'impression que rien ne se passe. Pourtant, tout change, tout bouge à tout instant. Je veux voir des visages, mais au-delà des visages, je voudrais partager ce que toi tu vis. Ce que toi tu perçois chaque jour, ce que toi tu tout ce à quoi tu dois résister, profiter. Oui, dis-moi plus. Dis-moi ce que je dois faire. Alors, laisse-toi aller, laisse-toi balancer, laisse-toi flotter. Vis, regarde-moi, écoute ce que l'on n'entend pas. Marche, marche sur ma coque. Marche sur mes planches. Mêle-toi aux voiles. Longe le mât lisse. Ressens les roulis. Le vent arrière nous pousse. Allez, je surf, commence. S'imprime sur la coque. L'étrave avant font les flots. Certains seulement. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le vent arrière, bien sûr. Alors ? Ah oui. Ça y est, bateau ivre, ça y est, j'y suis. Voilà, je commence. Tu t'intègres ? Oui. Oh là, mais c'est énorme. Je ne pensais pas qu'on puisse. Oui, tu ne pensais pas. Alors, continue. Laisse faire. Ouvre-toi. Intègre-toi. Deviens. Une partie de moi devient un morceau. Partage l'âme du bateau ivre. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des marilles puisse forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter des marais énormes, nasses, ou pourris dans les gens tout alliévatant, des écroulements d'eau au milieu des bonasses, et les lointains vers les gouffres, cataractants, glaciers, soleil d'argent, flona cru, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévorés des punaises, choient des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu monter aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents m'ont tellé par instants. Parfois, martyr laissé des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulidou. Montaient vers moi ces fleurs d'ombre ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Presqu'île, ballottant sur mes bords les querelles, les oiseaux claboteurs aux yeux blonds. Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir à reculons. Hors moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi, dont les moniteurs et les voiles des anses n'auraient pas peur de pêcher carcasse d'ivre d'eau. Libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur, qui porte confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait taché de lunules électriques, planches folles, escortées d'hippocampes noirs. Mais vrai, je regrette l'Europe aux anciens parapets. Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce, et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torneurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate! Oh, que j'aille à la mer! Si je désire une heure d'Europe, c'est la flaque noire et froide où vers le crépuscule embaumé. Un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs. Ô lames, enlevez leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Voilà, Pêcheurs de lune et bateaux ivres, par Marie-Noël et par Serge, et à la technique, Marcus, autre artiste. Et je dois dire que pour les auditeurs qui auditaient, ils n'ont pas vu que c'était aussi un spectacle, parce qu'à le studio, Serge avait préparé des boules de couleurs qui s'allumaient différemment selon les moments du poème. Eh bien bravo, on vous écoutera peut-être en d'autres occasions, et cette fois-ci en spectacle. Là, c'était une première à la radio, à RGM. Complètement, et on est vraiment très heureux que tu nous aies invités, qu'on puisse partager ce moment avec les auditeurs. Et un grand merci encore à la technique. Ah oui, heureusement que... Parce que là, vous allez voir, pour la suite de l'émission, c'est moi qui ferai la technique, et vous reconnaîtrez mon style à moi dans la suite de la soirée jusqu'à minuit. Mais ça fait partie de mon folklore, si je peux dire. Mais là, j'aurais pas pu assumer. Je reconnais, c'est pas du tout. Merci Marcus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Vincent, merci à Marcus et merci aussi à Serge. Voilà, merci Marie-Noël. On se retrouvera sur les planches. On vous donne ce rendez-vous. On vous donnera les dates. Merci. Voilà, et à bientôt la suite de l'émission.